Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une association qui fait chanter la Neuville de Vandancy et même bien au-delà depuis quelques années déjà. C'est MJ Voices. Marine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la toute jeune présidente de cette association ? Effectivement, j'ai repris la présidence depuis octobre. Une association qui a été donc créée en 2019 ? C'est bien ça, oui. Par Thomas Joly. Si vous deviez présenter cette association en quelques mots. Le but de l'association, c'est de produire les spectacles que monte l'école de chant MJ et surtout de fédérer et de rassembler les élèves de l'école de chant en promouvant l'accès à la culture et notamment effectivement en produisant les spectacles. Un mot sur l'école de chant, oui. À qui elle s'adresse, comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous y proposez ? L'école de chant MJ est dirigée par Thomas Joly qui l'a fondée et elle propose plusieurs activités, notamment une chorale, le chœur Tic Tac Pop, qui rassemble à peu près 25 personnes de différents âges et qui travaille plutôt un répertoire pop, comme son nom l'indique, assez diversifié. Notamment cette année, le spectacle sera sur le thème de Disney. Il y a aussi une autre activité proposée à l'école qui est l'ensemble vocal, Voices of Legacy. Et ça, c'est un spectacle chantant et dansant sur une scène qui demande de plus gros besoins techniques, avec notamment un travail de lumière, de costume, où les artistes présents sur scène font des chorés. Et puis, de temps à autre aussi, il y a un projet qui s'appelle Broadway Hits, qui est encore une autre activité proposée par l'école et qui, cette fois, travaille tout le répertoire qu'on peut trouver à Broadway. Et de temps à autre, il y a des petits projets exceptionnels comme des chœurs de Noël, etc. Voilà, on reviendra dans l'actualité sur les deux gros rendez-vous de cette année. Ça commencera le 28 juin, vous pouvez déjà le noter. Sur la couleur musicale que cette chorale apporte, quand on parle de chorale, souvent, on a parfois un peu cette image un peu vieillotte. Hein. Qu'est-ce qui diffère chez vous ? La chorale a vraiment cette originalité déjà de rassembler plusieurs générations. C'est pas une chorale comme on peut l'entendre bien souvent, une chorale dans le sens un chœur qui va chanter dans les églises ou qui fait un répertoire plutôt traditionnel de la variété française. Ça déjà, ça n'est pas le cas à l'ensemble, à l'école. Bien souvent, c'est plus un répertoire plutôt anglophone qui est travaillé. Et puis d'actualité aussi finalement, là cette année, c'est Disney. L'année dernière, le thème, c'était les musiques de films. Donc ça parle vraiment à tout le monde. Tout le monde peut se connaître, trouver aussi. Son compte. Ouais. Ouais, les générations, exactement. Vous êtes présidente de l'association donc MJ Voices. Comment c'est venu cet engagement ? Ça s'est fait plus ou moins naturellement. J'ai assisté à l'Assemblée Générale d'octobre dernier et la présidente, malheureusement, a laissé son poste. Moi, c'est la première fois que je me présentais même au CA. Je n'y étais pas avant. J'étais membre, effectivement, mais pas au CA. Et en discutant en fait, du rôle et des missions qui incombaient au président, je me suis dit que c'est une tâche que je pourrais assumer et qui me plairait parce que j'aime essayer de motiver les troupes et puis de mener une action jusqu'au bout. Et j'ai hâte de voir les projets qui nous attendent. Et vous montez sur scène aussi ? Oui, effectivement. Vous faites partie de la chorale ? Je fais partie de l'ensemble vocal, donc je danse aussi. On chante et on danse avec des costumes et puis des effets de lumière. On s'y croit vraiment, totalement. Alors, il y a bien sûr deux rendez-vous hein, cette année. On peut en parler. Vous avez parlé de l'univers de Disney. Donc, ce sera le chœur Tic Tac Pop qui nous donne un grand rendez-vous. Ce sera le 28 juin. À quoi on peut s'attendre ? Eh bien, écoutez, pour les fans de Disney et les moins fans, vous allez vraiment être ravis parce que je ne peux pas vous dévoiler le programme et vous donner quelques titres de chansons. Pour ça, il faudra venir voir. Mais vraiment, même si on n'apprécie pas particulièrement ce type de musique, c'est toujours un bonheur de voir de la polyphonie, plusieurs générations sur scène, et puis de voir des personnes heureuses de faire ce qu'elles font. Et ça se prépare longtemps à l'avance, un spectacle que celui-ci, c'est un nouveau spectacle ? Alors, tous les ans, la thématique change. Oui. Les groupes restent les mêmes, la chorale et l'ensemble vocal. Les groupes restent les mêmes, mais les thèmes de chaque année changent. Comme je vous le disais l'année dernière, par exemple, pour la chorale, c'était musique de film. Cette année, c'est Disney. Ça se prépare effectivement longtemps à l'avance, puisqu'on met en fait une année scolaire à préparer le spectacle, donc à peu près 9 mois, 10 mois, je dirais. Et ça se passera donc à la Neuville de Vandancy. Exactement. Donc ça, c'est le 28 juin, ce sera à 17h. On peut peut-être déjà évoquer celui de début juillet. Bien si vous sûr, bien. J'aurai encore plus de vous en parler. Voilà, ce sera le 3 juillet. Là, ce ne sera pas à la Neuville, ce sera à Neuve-Maisons. Oui, et au là, Centre culturel Jean Lhôte. Qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, si vous adorez voir des artistes sur scène, vous allez être ravis parce que ça sera vraiment un spectacle très complet, finalement, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, avec un travail de lumière, des chorégraphies et puis la thématique de cette année vend du rêve puisqu'il s'agit de la thématique diva. Donc tout ce à quoi vous pouvez vous attendre, je ne vais pas donner trop de noms, mais on peut penser notamment par exemple à Céline Dion, Whitney Houston et d'autres grands noms. Beau rendez-vous, ce sera le 3 juillet. Donc pour suivre un peu votre actualité, il y a un site internet, hein, c'est écoledechantmj.fr. Là, on retrouve toutes les infos. Oui, pour l'école, effectivement, pour car l'école. L'association, elle, n'a pas de page Instagram ou de page sur les réseaux sociaux. Toutes les informations concernant les activités seront sur les pages des réseaux de l'école. Vous avez déjà connu pas mal de spectacles, puisque vous êtes aussi sur scène. Il y a des souvenirs qui reviennent, des anecdotes Ah oui, ben déjà, j'ai une petite anecdote. C'était justement l'année dernière. On fait des changements de costumes entre différentes scènes et différentes parties du spectacle. Et en fait, lors d'un changement de costume, j'ai eu du mal à enfiler quelque chose et j'ai deux copines qui sont venues m'aider à me changer. Et le problème, c'est que pour m'aider, elles ont dû poser leur micro qui en fait était pré-réglé à leur timbre de voix et à leur volume vocal. Et quand on est remonté sur scène, sans faire exprès, elles avaient échangé leur micro. Et ça s'est tout de suite entendu, il y avait un décalage de volume entre les deux. Et c'était assez marrant par la suite d'en parler. Sur le moment, on n'a pas fait les fiers, mais c'est là qu'on s'est dit, pour cette année, même si Diva, ça en voit beaucoup au niveau des tenues, il faudrait quand même songer à prendre des choses faciles à enfiler pour éviter ce genre de problèmes techniques. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour ces deux grands rendez-vous ? Eh bien que le monde soit au rendez-vous justement, que les gens viennent nous voir parce que vraiment on adore faire ce qu'on fait et on adore partager ça avec vous. Donc ce que vous pouvez nous souhaiter, notre plus grand bonheur, ça sera que la salle soit comble. Merci Marine. Merci à vous. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.